Je suis face à un panneau de stationnement interdit. Le panonceau signifie en fait que cet endroit est réservé au stationnement des transports en commun. Toutefois, je peux m'y arrêter pour déposer un passager ou charger quelque chose dans mon coffre. Et si un car arrive, je m'empresserai de quitter cet emplacement. Réponse B et C.